maternité. Maternité. Maternité de Geneviève Brisac. Cinquième et dernier épisode. Berceuse. Une fois, 10 fois, 50 fois, les notes du piano tracent un chemin de cailloux blancs qui mène au sommeil. C'est la berceuse grâce à quoi le bébé est envahi d'une douce torpeur. Pavlov et Piaget l'ont bien dit. Le piano matérialise le va-et-vient des bras qui tiennent fort l'enfant et le rassurent. La boîte à musique est suspendue. C'est un mobile à la Calder, un manège volant. Les anges, les poneys, les lapins tournent à l'infini. Le mobile est une protection miraculeuse. Un toit comme un talit, comme les anciens voilages des berceaux. Le voilage s'est fait musique, ondée de notes, coque de douceur. Comme la musique de Vinteuil pour Marcel Proust, spécialiste des endormissements difficiles, la berceuse du mobile fait surgir les souvenirs. Il faut tirer sur une ficelle pour déclencher son mécanisme, sa magie. Une fois, 10 fois, 50 fois, 1 000 000 fois. Le bébé couché sur le dos contemple le spectacle infini du mobile qui tourne, tourne, tourne. Cette petite note de musique. Le monde est parfait. Il est clos. Il est absolument tranquille. Le bébé ferme les yeux et rêve. Ou bien non. Pourquoi le mobile ? Pourquoi le piano ? Il me semble lire dans ce dispositif une volonté de donner à la berceuse un caractère universel et impersonnel. La même musique au même moment, au-dessus de millions de berceaux. Pourtant, j'ai adoré le mobile accroché au-dessus du berceau. Dors, mon enfant, mon petit, mon amour. Dans les champs, les agneaux ferment leurs paupières. Dans les bois, les fans sont assoupis. Dans les arbres, les oiseaux se sont tus. La berceuse chante l'harmonie. Elle est un rempart contre la peine, la peur, les soubresauts du monde. Elle est rose et bleue, comme une après-midi d'été. Alors pourquoi ce senton légèrement mélancolique en faisant tourner le mobile, en chantonnant cet air 100 000 fois murmuré ? La berceuse, qui dans son balancement arrête le temps, est comme la petite musique de Vinteuil. Elle évoque le temps perdu. Ni vide. Dolores entre dans la chambre des garçons. Elle y entre chaque jour à 7 heures. Debout Enrique, debout Manuel. Ces mots, elle les a dit tous les matins pendant 18 ou 20 années. 20 fois 365 bonjours, soit 7300 fois bonjour et debout, et ensuite les chaussettes, les slips, les habits propres et les pyjamas sales, les machines, les petits déjeuners. Soit 7300 bols de chocolat multipliés par 2. Refaire les lits. Taper les oreillers, les draps et les couvertures, tirer, border, ranger les chambres, sans compter les jours où il fallait refaire des tartines, refaire des reproches ou des promesses ou des gâteaux, des paellas, des milliers de paellas. Je ne décris pas l'esclavage, je décris la formation des habitudes, le doux plaisir des gestes refaits sans y songer, les gestes faits en pensant à eux. La tête remplie de leur visage. Le cœur inquiet. Le cœur bondissant quand il rentre le soir. 7300 fois. Hola, comment c'était aujourd'hui ? 7300 et quelques non-réponses. Les garçons ne répondent jamais à ces questions de leur mère. Les filles non plus, bien sûr. Dolores entre dans la chambre des garçons qui n'y dorment plus depuis longtemps. Elle s'adresse à la Vierge qui veille sur la chambre. Elle se sourit. Elle tapote les oreillers, tire les draps, borde un peu, remet une petite photo à sa place sur la table de nuit de Manuel. Les lits sont recouverts de dizaines de peluches, surtout des ours, beaucoup de lapins, des singes aux bras déments, des lions. Chaque année, Dolores achète 2 peluches pour ses fils qui sont partis depuis longtemps et les installe avec soin, avec religion. Les gestes avides qu'elle fait tous les jours calme son cœur troué. Entrer dans la chambre à 7 heures et ne pas dire debout, ni bonjour, ni rien. Attendre le soir. Ne plus faire de paella. Le mari de Dolores est désespéré, impuissant. Son amour se heurte à un mur de chagrin. C'était Maternité de Geneviève Brisac, épisode 5. Avec Mélanie Bestel, Marie Cariès. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage et mixage, Claire Levasseur et Lydwin Caron. Assistante à la réalisation, Clémence Grosse. Réalisation, Laurence Courtois.